Oh, so they love me, keep on living. Tell me, coffee soon, let me do you, keep on living. Pas la peine pleurer, nous pas qu'à j'en séparer. Oh, lève tes trous, même si la vie pas un bel cadeau. Whoa, whoa, whoa.